je veux, oui, je veux, Seigneur, proclamer ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta patience infinie, Seigneur, à mon égard. Car toi, tu restes fidèle, car toi, tu restes fidèle, car toi, tu restes fidèle, Seigneur, quand je m'égare. Je veux te rester fidèle, je veux te rester fidèle, je veux...